C'est le fait que les années passent, que des gens interchangeables découvrent ça, sont au début des fois fascinés, puis à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'ils ne comprennent pas, ben ils s'en vont. Puis il y a d'autres personnes qui sont fascinées, puis ils restent pendant un bout de temps, puis ils s'en vont. Il y en a qui sont là depuis longtemps, remarque, là. Mais les gens qui comprennent vraiment de ce que je perçois, qui sont là depuis une longue période de temps, écouter les enregistrements ou les commenter, sont très rares, là. Ben oui, mais c'est un peu l'affaire, beaucoup d'appelés puis peu d'élus. Exactement. Donc, des enregistrements ou ta façon de parler ou d'autres, ça peut créer une curiosité. Tu sais, tu abordes souvent l'instruction supramentale, certains termes techniques, mais quand que les gens, quelque part, se rendent compte qu'ils comprennent pas ou ils essaient de comprendre, puis il y a une saturation intellectuelle ou réflexive qui s'opère, ben, c'est comme ils sont dépassés, puis regarde, il n'y a rien à faire, ils s'en vont ailleurs. Mais jusqu'à un certain point, c'est correct que ce soit comme ça. L'affaire, c'est que c'est des affaires qui ne sont pas là pour être compris. C'est soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Donc, bon, des fois, la personne a pu passer des années à essayer de comprendre. Puis finalement, soit elle va s'en aller. C'est pour ça, des fois, je dis ça passe ou ça casse. Soit elle va finir par arrêter d'essayer de comprendre, puis là, pouf, ça rentre. La voix. Elle voit quelque chose. C'est là où l'effort est un signe de l'erreur, mais c'est juste réel au niveau psychologique, ça. Mais il reste que, bon, il y en a que je sais qu'ils ont vu, tu sais. Ils ont vu des choses. Mais c'est rare. C'est assez rare. Mais ça en vaut la peine, pareil. S'il faut, des fois, que tu passes 1000 personnes pour qu'il y en ait deux, ça vaut la peine pareil. La personne, ce qu'elle va intégrer, elle ne le perdra jamais. Tu peux pas revenir en arrière.